Moi c'est mon vrai bébé où j'étais encore mon arôme. Là tu comprends mieux, mais ne viens pas de ce débarque. Je veux pas que tu débarques. Alors ne prends pas cette barque. Moi c'est du beau bébé où j'étais encore mon arôme. Plus qui met d'arôme. Là tu comprends mieux le mot. Moi c'est du beau bébé où j'étais encore mon arôme. Tu comprends mieux le mot. Moi c'est du beau bébé où j'étais encore mon arôme. Tu comprends mieux le mot. Tu comprends mieux le mot. Tu comprends mieux le mot. Moi c'est du beau bébé où. Ton souffle est ta peur. Mais n'oublie pas que tu ne souffres plus quand tu meurs. Deviens ton souffle ta peur. Mais n'oublie pas que tu ne souffres plus quand tu meurs. Deviens ton souffle ta peur. Mais n'oublie pas que tu ne souffres plus quand tu meurs. Deviens ton souffle et ta peur. Deviens ton souffle et ta peur. Moi c'est tout le bébé. Moi c'est tout le bébé. Tout je t'en mon art. Moi c'est tout le bébé. Double Bébé en production.